Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional de l'édition du 25 octobre au Challenge Bank National qui s'est déroulé à Ville-Saguenay hier. Il y avait des matchs impliquant des Canadiennes. D'abord en simple, Bianca Andreescu, qui est septième tête d'affiche, a défait Petra Janouska, qui est une autre Canadienne, par le compte de 6-1 et 6-0. Également, Jada Puy a perdu 6-1, 6-1 contre Kirin Lemoine, qui est une Néerlandaise. Donc, l'action va se poursuivre à compter d'aujourd'hui à Ville-Saguenay. Et Catherine Sebov, qui est une athlète également du Canada, demain que Bianca Andreescu, seront en action. Maintenant, on a parlé hier dans la section entrevue de danradiosport.com avec celui qui est un des responsables de l'activité du 23 février. On sait qu'il y aura une nouvelle activité sur le lac Saint-Jean au mois de février prochain. C'est une traversée en course à pied du lac Saint-Jean. Il y aura deux sortes de compétitions, le 32 et le 10 km. On a parlé avec Jean-Charles Fortin, qui est le responsable de l'événement. Et Jean-Charles Fortin mentionne comment est venue l'idée de présenter une compétition de course à pied sur le lac Saint-Jean. Un de nos bénévoles au double défi des deux Mario, comme je vous disais, qui est une autre levée de fonds qu'on fait là, en ski, en raquette, sur deux jours et demi pour traverser de Pointe-Taillon jusqu'à Roberval. Un de nos bénévoles qui avait eu cette idée-là de dire, hey, un grand sportif, là, Éric Paquette, qui nous a dit, hey, moi, j'ai déjà eu cette idée-là, ça pourrait être le fun de traverser le lac à la course à pied. Puis là, ça a mûri un peu dans notre tête, puis on entendait les gens de la corporation de la Véloroute, là, qui s'occupent de l'événement en fat bike, qui disaient, nous, on entretient la piste, puis on a le mandat de faciliter, de favoriser la tenue d'autres activités sur notre piste. Donc, on a réalisé que l'opportunité était là. Ça fait presque 2 ans là, qu'on a engagé un échange avec les gens de Fat Bike et aussi avec la ville de Roberval, la municipalité de Péribonka, la MRC, Domaine du Roi, merci Maria Chapdelaine, qui ont tout embarqué et puis qui nous supportent là-dedans. Puis vraiment, là, on les Jean-Charles Fortin mentionne que du côté de l'organisation, on veut que ce soit une expérience quand même enrichissante pour les coureurs. Puis oui, c'est une expérience qui est particulière. Puis c'est ça que les coureurs veulent. Ils veulent des nouveaux parcours, des nouveaux concepts de course. Puis courir sur un lac, ça se fait nulle part. Ben non. En fait, il y a une course sur la banquise là, au pôle Nord, là, mais ça coûte 19 000 piastres y aller. Mais sinon, courir sur un lac, ça se fait nulle part. Puis en plus, la nuit, ou à tout le moins dans l'obscurité, on a fait nos recherches là, et c'est quelque chose qui est unique au monde. Donc nous, on sait, puis on le voit déjà là, dans les inscriptions, il y a à peu près 80% des gens qui viennent de l'extérieur de la région. Là, il y a un énorme potentiel attractif avec un événement comme ça. Nous, on est très, très confiants que ça va donner. Charles Fortin estime qu'on espère avoir plus de 500 coureurs pour les prochaines années. Ça ne nous inquiète pas. Déjà là, on est certain qu'on va remplir là, les 50 coureurs pour le 32, puis les 100 coureurs pour le 10 km. Les inscriptions rentrent, les demandes d'informations. On est très, très confiants par rapport au succès de notre activité. OK. Ben Jean-Charles Fortin. Parlons maintenant de la Ligue nord-américaine de hockey. Les Marquis de Jonquière ont annoncé que Sean McMorrow sera de retour avec l'équipe. On sait que McMorrow a déjà porté les couleurs des Marquis au cours des dernières années. Donc, McMorrow devrait être en uniforme à compter du 16 novembre prochain. Curling, il y a deux tournois qui s'en viennent bientôt. Il y en a un qui est même déjà commencé au club Riverbend de Dalma. C'est la 15e édition du tournoi provincial senior. Donc, Raymond Lavoie, l'équipe de Raymond Lavoie de Dolbeau-Mistassini a vaincu celle de Serge Bouchard par la marque de 7-3. Il y aura un tournoi à Dolbeau-Mistassini qui va commencer la semaine prochaine, soit du 28 octobre au 3 novembre. C'est le tournoi Jean-Dumas Ford qui va regrouper une quarantaine d'équipes et qui va venir d'un peu partout en région et des 6 clubs de la région qui seront représentés. Parler de football maintenant. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Marc-Antoine Robert, qui est un porte-couleur des Gaillards de Jonquière au football. Marc-Antoine Robert, qui vient de Saint-Jean-d'Arc, a trouvé quand même son adaptation au football collégial quand même assez facile. Ben, je pense que l'adaptation s'est bien faite, là. J'ai eu une grosse hiver, une grosse été d'entraînement. Puis l'adaptation a été correcte. C'est un bon calibre de football, là, je saurais dire. Mm. Mais je trouve que mon adaptation s'est quand même bien passée. Le calibre de jeu, Antoine Robert vise évidemment, lui et son équipe, de participer au Bol d'Or. Et l'équipe travaille fort pour atteindre ses objectifs. Ben, c'est sûr que Philippe Lavoie, ça fait un bon bout que je connais. Là. C'est sûr, c'est un peu mon cousin, si tu veux, là. C'est mon cousin un peu. Ouais. Donc ça fait un petit bout que je le connais, tout ça. C'est sûr que d'avoir un gars comme ça dans l'équipe d'une certaine envergure, c'est sûr que c'est le fun aussi. T'es un bon joueur, puis tout ça, tu sais qu'il va faire bien paraître ton équipe, tout ça. Donc Phil est important pour notre équipe, je pense. Ben, c'est sûr. Puis c'est un joueur, c'est une bonne. On sait que Marc-Antoine Robert vient de Saint-Jean-d'Arc, le même village que Philippe Lavoie. Et selon Marc-Antoine Robert, l'influence de Philippe Lavoie est très positive chez le reste de l'équipe et chez les jeunes. Mais il faut y aller match par match et puis séquence par séquence pendant les matchs pour être sûr. Si on veut se rendre là, il faut gagner le prochain match contre Almo, puis il faut gagner, par exemple, dans les séries. Donc, on travaille fort en pratique, puis on travaille fort en équipe. On a un bon esprit d'équipe, une bonne équipe en général. On travaille fort, puis on essaie, c'est sûr que notre but, c'est de se rendre là. On travaille fort pour arriver à notre but. Pour le calendrier régional, à donadosport.com. On s'en occupe.